Eh bien, écoutez, autre temps, autre lieu. Donc, je vais vous parler du demi-monde. Et pour commencer, je vais d'abord vous dire qu'effectivement, dans leur très grande majorité, les travaux portant sur la prostitution considèrent les clients non pas comme un groupe, mais comme une collection d'individus rassemblés par une pratique, parfois effectivement sur le même lieu. Dans le cadre de ma thèse, j'ai été amenée au contraire à formuler l'hypothèse qu'en ce qui concerne le demi-monde parisien, alors pour le définir vraiment très simplement, je dirais que c'est le monde des courtisanes et de la prostitution de luxe, il s'agissait bien d'un groupe de clients, voire d'une communauté de clients réunis par et autour de leur fréquentation des femmes galantes. Afin de pouvoir vérifier et surtout valider effectivement cette hypothèse, Non, non, c'est juste pour enregistrer. C'est D'accord. bon. Vous entendez au fond? C'est bon. Donc j'ai tenté de voir si l'addition de relations établies entre les courtisanes et leurs clients, eh ben, effectivement, permettait peut-être de voir un réseau ou en tout cas des relations étroites et redondantes entre ces hommes et ces femmes. Donc j'aimerais dans cette intervention présenter très rapidement les étapes qui m'ont permis de reconstruire entre guillemets ce réseau du demi-monde et effectivement les premiers résultats obtenus. Et comment l'analyse des réseaux permet à mes yeux de renouveler considérablement les regards portés sur la prostitution en tant que phénomène social. Donc, afin de reconstruire ces réseaux du demi-monde, eh ben, il a fallu déjà tout simplement amasser un certain nombre de noms de femmes et de leurs clients à travers les archives de la préfecture de police, évidemment, à travers les autobiographies et les biographies de femmes galantes, d'hommes politiques, de célébrités du 19e, et effectivement de les collectionner aussi à travers la littérature panoramique et la littérature consacrée uniquement au demi-monde et à la prostitution parisienne, qui est très importante à l'époque. Face à la masse de données, j'ai aussi effectué un tri, considérant que toutes les relations ne m'intéressaient pas et surtout toutes n'étaient pas pertinentes pour le propos que je voulais tenir, qui est vraiment sur le demi-monde parisien. Donc j'ai écarté toutes les relations qui n'avaient pas eu lieu à Paris, mais par exemple que Sarah Bernhardt faisait lors de ses tournées aux États-Unis ou en Russie. J'ai écarté toutes les relations que je pouvais considérer comme de simples passes. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans le monde des courtisanes, souvent les relations durent quelques semaines, quelques mois, voire quelques années, la question n'étant absolument pas celle de l'exclusivité. Donc en dehors de mon propre tri, ce réseau ne peut bien évidemment pas être considéré ni comme exhaustif, ni comme représentatif d'une réalité. Je pense que c'est un jeu, une sorte de reconstruction qui permet de penser autrement, mais que ça n'a pas vraiment de valeur en tant que tel. Les données étant vraiment encore trop nombreuses à mes yeux pour être traitées dans le cadre de ma thèse, j'ai décidé de me focaliser sur les relations nouées entre 100 femmes et leurs clients. Pour choisir ces femmes, j'ai essayé plusieurs méthodes. Au début, je me suis intéressée aux listes de femmes galantes très célèbres qui étaient publiées dans certains livres. Je retombais toujours sur les mêmes et elles n'étaient pas assez nombreuses à mes yeux. Donc après, je suis partie de Cora Pearl, qui est la plus grande la très grande femme galante du Second Empire, qui a une vie particulièrement bien documentée. J'ai essayé de retrouver tous ses amants. Pour tous ces amants-là, j'ai essayé de retrouver toutes les femmes galantes qu'ils avaient pu avoir ailleurs. Pour ces femmes-là, j'ai essayé de retrouver tous les amants qu'elles avaient eus, jusqu'à arriver effectivement au nombre de 100 femmes galantes. Donc, le réseau ainsi reconstitué totalise 510 relations entre 100 femmes qui sont vraiment parmi les plus célèbres de leur époque, hein, et 315 de leurs amants-clients. Alors, pourquoi je parle d'amants-clients? Parce qu'effectivement, surtout pour un historien, il est impossible de dire une relation était purement désintéressée ou elle était purement vénale. Ça n'a pas de pertinence de faire cette distinction. Donc, j'étais très heureuse quand j'ai réussi à recréer ça, ce graphique, en me disant, effectivement, il y a un réseau, on voit bien qu'il y a certaines personnes qui ont énormément de relations. Qu'est-ce que je peux en faire? Je n'en ai rien fait graphiquement. Il a fallu surtout que je retrouve qui étaient ces 310 clients. Et ça a quand même pris effectivement une énorme part de mon temps. Et il a surtout fallu essayer de comprendre pourquoi il fréquentait ces femmes. Alors, j'aimerais juste vous montrer qu'effectivement, les femmes ne sont pas seules au centre de mon réseau. Si on compare, par exemple, Cora Pearl, qui était donc le point de départ, et ses amants, et le réseau des amours du prince Jérôme Napoléon, on voit que dans mon réseau, ce n'est pas une femme qui a plein de clients et un homme juste avec une femme. On voit bien que très souvent, j'ai autant de relations en partant d'un homme qu'en partant d'une femme galante. Au sein de... Donc effectivement, après avoir travaillé sur les parcours biographiques de ces hommes, il me semble que trois grands types de clients se dessinent. Les hommes appartenant à la bonne société parisienne et à la noblesse parisienne, pas forcément à la noblesse de province, qui sont 35% dans le réseau que j'ai reconstruit et que je vais appeler les viveurs, et je vais être très bref sur eux aujourd'hui. Les hommes appartenant au monde du spectacle, des arts et des lettres, qui sont aussi 30%, et les hommes appartenant à la banque, à la haute finance et à la très grande industrie, qui sont dans mon réseau 8,5% et qui très clairement sont sous-estimés par la nature de mes sources. Je suis persuadée qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ça. Donc pour commencer sur les viveurs, je dirais que pour eux le demi-monde, c'est une sorte de refuge de dandy. Je trouve des membres de la famille impériale, Napoléon III, le duc Charles de Morny, de la famille des Orléans, des rejetons de la vieille aristocratie française, comme le prince Charles de Sagan, de la noblesse impériale, des figures de la cour impériale sous le Second Empire, et surtout une grande partie de la noblesse européenne présente à Paris. Donc un très grand nombre de diplomates, qu'ils soient ambassadeurs ou attachés d'ambassade, et effectivement des hommes du monde de passage très fréquemment à Paris, comme le prince Édouard de Galles, ou résidents à Paris, comme les princes russes Anatole et Paul Demidov. Pour ce qui est de leurs âges, il y a tous les âges confondus, ils peuvent être mariés, ils peuvent être célibataires, ils peuvent avoir des opinions politiques complètement différentes, ils fréquentent tous des femmes galantes au même endroit. Et je pense que très clairement, pour ces dandies, l'entretien d'une ou de plusieurs demi-mondaines à la fois doit être lu comme une consommation ostentatoire dans le sens où le définit Thorsten Veblen. C'est vraiment une dépense destinée à mettre en valeur un statut social, un mode de vie et une personnalité. Donc oui, les élites du 19e restent marquées par le modèle de la vie mondaine et de l'aristocratie de l'ancien régime, mais à mon avis, les viveurs, et tels qu'ils se mettent en scène dans leur fréquentation des femmes galantes, ça me semble moins signifier l'importance pérenne du mode de vie aristocratique qu'être vraiment une réaction de dandy, entre guillemets, face à la montée et à la réussite sociale des valeurs bourgeoises. Dans le sens où le demi-monde des viveurs, il naît sous la monarchie de Juillet, avec le monde des actrices. Il connaît son apogée à la fin du Second Empire, au début de la Troisième République. Et il décline avant la fin de la Première Guerre mondiale pour disparaître définitivement après celle-ci. Et là, on voit qu'effectivement, les viveurs cultivent une identité commune, une identité de père, autour effectivement de la fréquentation des femmes galantes, et pas uniquement effectivement des postures de dandy qui sont connues de façon plus classique. Pour les artistes et les hommes de lettres, je dirais que le demi-monde doit être perçu comme un salon et comme un lieu de pouvoir. Donc dans notre réseau de relations, qui sont 94 à appartenir au monde des arts et des lettres, 39 pour être homme de lettres, journaliste, écrivain, 37 du théâtre, donc comédien, directeur, et 16 artistes, peintres, musiciens, sculpteurs. Donc très clairement, dans cette seconde moitié du 19e siècle, les scènes de la vie de bohème n'ont plus lieu. Et les hommes de lettres, les comédiens, les artistes réputés que j'ai dans mon réseau ont plutôt des amours princières. Mimi du quartier Lintin est effectivement très loin. Par exemple, dans mon réseau, il y a Aurélien Scholl, qui est un grand chroniqueur de l'époque, qui a aussi dirigé des journaux, qui a été l'amant d'Eugénie Doche, de Giulia Barucci, de Léonide Leblanc et de Teresa, ce qui le met à égalité avec le tsar Alexandre II, le prince de Galles et Anatole Demidov. Donc, tous les hommes de lettres et présents dans mon réseau sont clairement appartenant à l'élite intellectuelle de leur époque et sont particulièrement influents sur le plan médiatique. J'ai des collaborateurs du Moniteur universel comme Sainte-Beuve, des chroniqueurs à la mode et des critiques dramatiques influents comme Paul de Saint-Victor ou Théophile Gautier. J'ai des grands patrons de presse comme Émile de Girardin et j'ai des journalistes travaillant dans la presse parisienne et mondaine, dans le Figaro, dans le Gil Blas, dans le Gaulois. Donc toutes ces relations ne sont pas évidemment ni amoureuses ou ni strictement intéressées, mais on voit que ce sont très souvent des relations qui ne sont pas forcément basées sur l'argent, mais sur le profit qu'on peut faire de la raison sociale de l'autre. Sous-entendu, les hommes utilisent ces femmes-là pour accéder au mécénat, pour rentrer dans les salons, pour pouvoir avoir, faire de la copie et avoir des choses à mettre dans des critiques dans leurs journaux. Elles utilisent ces hommes pour avoir de la bonne publicité, pour avoir des bonnes critiques théâtrales et pour faire parler d'elles. C'est particulièrement vrai dans le milieu du théâtre, où on a des amours extrêmement redondants entre des jeunes actrices et des directeurs de théâtre influents, notamment Jacques Offenbach, hein, qui a un très grand nombre d'amantes parmi les comédiennes de sa troupe. Et donc très clairement, ces relations sont un moyen d'obtenir un rôle ou une participation dans une pièce. C'est des fois aussi un moyen pour les directeurs de théâtre d'utiliser leurs amantes comme négociatrices auprès du pouvoir pour obtenir des privilèges, des subventions ou des autorisations auprès des ministères. C'est particulièrement le cas par exemple de Marc Fournier qui avec sa maîtresse Jeanne de Tourbert réussit à avoir des autorisations auprès effectivement d'un agent du ministère. Donc chez les auteurs de l'époque comme Flaubert ou les Goncourt, oui, la fréquentation revendiquée des filles publiques peut témoigner d'un rejet de la bourgeoisie. Chez les journalistes et les artistes influents que je vois dans mon réseau, très clairement, la fréquentation des femmes galantes semble surtout un moyen de prendre pied dans la société parisienne, de renforcer ou de consolider leur position dans le champ. Et effectivement, le demi-monde est pour eux un espace de sociabilité, d'échange, qui forme un réseau d'influence tout à fait parallèle au salon des femmes honnêtes, comme Madame Adam, qui sont bien mieux connues. Enfin, je vais vous parler des banquiers, où là, je dirais qu'on parle du demi-monde des amours, mais surtout du demi-monde des affaires. Donc, dans la littérature du XIXe siècle, le financier est toujours malheureux en amour, il est toujours considéré comme cocu, malgré l'argent qu'il dépense auprès des femmes galantes. Donc, pour moi, il était très intéressant de comparer cette littérature et la réalité. La réalité, c'est que j'ai effectivement beaucoup d'individus rattachés au grand nom de la finance de l'époque, et dans mon réseau, j'ai effectivement les Rothschild, les Oettinger, les Gainsbourg, les Pilewild, les Fould, vraiment tout le gratin de la haute finance du XIXe siècle. Et effectivement, pour moi, c'est eux qui ont la puissance financière et c'est eux qui font que définitivement, sous le Second Empire, des sommes folles sont dépensées pour les femmes galantes. Et pour moi, il ne s'agit pas d'une imitation des mœurs aristocratiques, il s'agit d'une participation à la vie mondaine de l'époque. La fréquentation des femmes galantes, pour eux, vraiment s'inscrivait, je pense, dans un processus d'intégration à la société du tout Paris, en sachant qu'en général, ils avaient et des femmes galantes qu'ils partageaient avec des viveurs ou des hommes de lettres, et des stratégies matrimoniales qui, là aussi, leur permettaient de jouer sur les deux tableaux et de s'insérer plus profondément dans les réseaux de la bonne société. La fréquentation des femmes galantes, le jeu, les restaurants font tellement partie du quotidien des hommes d'affaires de l'époque que il y a un moment, je me suis dit qu'ils devaient participer de la corporation qui était en train de se créer. Ça devait faire sens au sein de cette communauté d'affaires pour qu'ils se mettent tous autant à avoir autant de relations sexuelles rémunérées et à dépenser autant d'argent pour ces dames. Donc effectivement, je pense que ces comportements répondaient vraiment à des besoins spécifiques à ces personnages, puisque l'offre de bijoux, de voitures, d'hôtels particuliers n'a rien de symbolique. C'est vraiment une démonstration de richesse et de puissance. Et je pense qu'il faut faire le lien avec le fait qu'à cette époque, les marchés boursiers se développaient énormément, mais que la Bourse de Paris ne mettait encore qu'un nombre limité d'agents de change, d'hommes d'affaires et de banquiers en réseau. Et leur réussite personnelle était très souvent considérée comme le meilleur garant de leur sens des affaires et de la bonne santé de leurs fonds. Et effectivement, je pense que ces dépenses-là, qu'ils ne pouvaient pas faire avec leurs femmes, étaient un moyen de démontrer leur capacité financière. Sans compter qu'à travers ces femmes galantes, on pouvait aussi obtenir beaucoup d'informations, directement ou indirectement, sur les événements politiques et économiques capables d'influencer les affaires. Typiquement, certains hommes d'affaires, je le sais, ont utilisé Anna Delion, qui était très proche du prince Jérôme Napoléon, pour avoir des informations sur les guerres et sur les mariages potentiels. Donc, en conclusion, je dirais que dans Nana, Émile Zola, qui travaille sur les femmes galantes, décrit des élites obsédées par leur désir et le sexe de la courtisane. Dans son manuscrit, il dit « Le sujet philanthropique est celui-ci. Toute une société se ruant sur le cul est le grand levier qui remue le monde. Il n'y a que le cul et la religion. Alors, je dirais que personnellement, oui, effectivement, les grandes horizontales étaient toutes belles, intelligentes, célèbres. Oui, certains se sont ruinés. Oui, il y a eu effectivement quelques passions amoureuses. Mais je pense que très clairement, l'entretien d'une maîtresse et la fréquentation des femmes galantes s'intégraient dans un jeu social au sein d'élites parisiennes qui étaient d'ailleurs profondément restructurées à l'époque. Et je pense très clairement que l'entretien d'une femme galante dépasse le cadre des pratiques sexuelles individuelles. Le demi-monde, c'était finalement une nébuleuse de femmes, de salons, de sociétés qui ressemblait très clairement davantage à un espace de sociabilité et de pouvoir alternatif qu'à un cercle libertin ou qu'à un club échangiste. On y préparait en réalité des transactions, des opérations financières, on y faisait les élections à l'Académie française. Donc effectivement, le demi-monde, c'était un espace de brassage social et de rencontre pour des hommes qui appartenaient à différents réseaux et à différents milieux sociaux. Merci beaucoup.